Bienvenue à cette édition, chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. À la présentation, vous êtes avec Odin Daichimie, Albert Ndouayo assure la mise en onde. À la une de l'actualité, trois personnes ont été arrêtées et sont détenues au cachot de la police de Lumongue. Et depuis l'avant-midi de ce jeudi, le commissaire provincial indique qu'il les a arrêtés en possession de 73 pagnes sans vignette de l'OBR. Et la fraude est encore préférée par certains Burundais qui n'ont pas encore compris l'importance de payer la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce journal, vous suivrez la proposition d'un fiscaliste qui déclare que le pays pourrait y gagner quelque chose. En Ngozi, nous parlerons de la reprise du travail après une journée de grève des vendeurs de haricots du marché central de Ngozi. Les commerçants se plaignent qu'ils travaillent à perte suite à la mesure leur interdisant l'acheminement de leurs produits vers Bujumbura et d'autres provinces. Tout de suite, les détails. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous le disais dans les titres, trois personnes sont détenues au cachot du commissariat de police de Lumongue depuis l'avant-midi de ce jeudi. Le commissaire provincial de la police de Lumongue les a arrêtées à la route nationale numéro 3 Lumongue-Bujumbura au niveau du quartier Ngayamba à l'entrée nord de la ville de Lumongue alors qu'elles avaient sur elles 73 pagnes sans vignette de l'OBR qu'elles amenaient dans la ville de Lumongue à bord d'un tricycle. Cette autorité policière dit que ces personnes sont à traduire en justice après la confection de leur dossier judiciaire. À la page commerce, les propriétaires des échoppes dans les marchés de l'État doivent les remettre pour qu'ils soient distribués aux commerçants. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, lors de son retour en provenance de la Russie et de la Chine, ce mercredi, donne un délai de 3 jours aux administratifs pour résoudre ce problème. Suivez-le, traduit en français par Jean-Marie Mayonga. C'est la première fois que je trouve où le chef de l'État plaide pour le bien de ses citoyens et que certaines autorités refusent et disent plutôt qu'il faut les consommer, les tuer et prendre tout ce qu'ils ont. Ça se passe souvent. Les échoppes dans les marchés, il n'est pas commerçant et occupe plusieurs places et fait l'allocation de ces places aux commerçants. Et ce dernier paie double impôt. Un, entre dans la caisse de l'État pour la construction des écoles, des routes, des hôpitaux. Et un autre pour le propriétaire de cette place. Vraiment, c'est regrettable. Où va-t-il trouver ses impôts? C'est chez les consommateurs. Et après, nous allons dire que les produits ont connu une augmentation des prix. Alors que ce commerçant cherche avec force les impôts pour payer quelqu'un qui a volé les biens de l'État. Et l'autre pour entrer dans la caisse de l'État. Cette personne même invite les commerçants à gréver. Est-ce que si ces commerçants grèvent, cette personne va gagner? C'est pourquoi ces gens-là, si 3 jours passent sans avoir remis ces places, nous allons faire la course. Ce qui m'étonne, il y a parmi eux des autorités. Ceux qui ont loué les maisons qui ne sont pas utilisées par les commerçants, qu'ils se mettent ensemble avec les commerçants et ceux qui veulent manger sans travailler, il faut les chasser car ils sont en train de détruire le pays. Que chaque commerçant sache bien que la place occupée lui appartient, qu'on lui fasse son identification et qu'il connaisse que c'est lui qui a un contrat avec l'État. Maire de la ville, tous les administrateurs, si vous ne mettez pas en ordre cette recommandation, je saurai que vous êtes complice. Vous ne le faites pas parce que vous êtes corrompu. Nous avons tenté de trouver des places dans des marchés pour tous les commerçants, mais ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que les autorités administratives sont parmi les personnes corrompues. Si ce n'est pas le cas, qu'ils me présentent les listes le plus tôt possible afin de voir que chaque commerçant a un contrat avec l'État et non avec une autorité. Les vendeurs de haricots du marché central de Ngozi ont repris le travail après une journée de grève. Ils avaient protesté contre la mesure leur interdisant l'acheminement de leurs produits vers Bujumbura et d'autres provinces. Une mesure prise, selon eux, au niveau du ministère de l'Intérieur. Ces commerçants expliquent cette reprise par la promesse du gouverneur de cette province de transmettre cette question aux autorités hiérarchiques. Ils disent qu'ils travaillent à perte suite aux centaines de tonnes et de variétés consommées uniquement par les habitants de la plaine de Limbo et demandent aux autorités habilitées de revoir cette décision pour qu'ils reprennent sans crainte le travail. Apollinaire Mozagara. Ces commerçants disent avoir été étonnés par une décision tombée vendredi, leur empêchant la vente du haricot à Bujumbura et dans d'autres provinces. Pour eux, la clientèle d'Ongozi ne suffit pas pour écouler leur stock, car, disent-ils, cette culture est beaucoup cultivée par la population de cette province. Ils expliquent qu'ils sont en possession également de nombreuses variétés de haricots, en l'occurrence ceux dits haricots jaunes, kinure et autres, en provenance de Kirundo et ailleurs, variétés qui ne sont pas aimées par les habitants d'Ongozi, mais plutôt très sollicité par la population de la ville de Bujumbura et d'autres provinces comme Cibitoke et Rumonge, d'où l'arrêt du travail pour manifester leur mécontentement. Après une rencontre avec le gouverneur qui a accepté d'en parler aux autorités du ministère concerné, ils ont accepté la reprise momentanée des activités, activités qui, selon eux, vont au ralenti actuellement. Ces commerçants grossistes demandent la vente de leurs produits dans n'importe quelle province du Burundi et conseillent aux autorités la surveillance des frontières pour éviter la fraude vers les pays voisins. Sinon, disent-ils, une réunion sera vite tenue pour prendre une décision qui leur sera favorable. Donc, Ngozi, Apone Muzagara, Radio. Il s'observe encore des Burundais qui n'ont pas encore compris l'importance de payer la taxe sur la valeur ajoutée et préfèrent la fraude. Cela ressort d'une étude menée sur le fonctionnement du système de TVA au Burundi. Claver Haragrimana, un des fiscalistes qui a mené l'étude, propose une mise en place d'une police de surveillance de ce système de TVA. Selon lui, le pays pourrait y gagner plus. Suivez-le. Au niveau des contribuables assujettis à la TVA, il y a des lacunes aujourd'hui liées essentiellement à la méconnaissance, à mon avis, du mode de fonctionnement de la TVA. Ils se disent que c'est un coût, mais en réalité, il n'en est pas question. C'est une taxe neutre qui a vocation à être neutre sur la chaîne de distribution des biens et services. Si alors certains assujettis proposent de donner des factures sans TVA, c'est que soit ils se trempent dans la fraude fiscale ou carrément ils ne connaissent pas que c'est une taxe neutre qui n'a pas d'effet sur les prix. Il y a risque, les assujettis à la TVA ne sont pas surveillés de près. Avec des unités spécialisées pour ce travail, il y a risque qu'il y ait des déclarations avec des TVA négatives, ça veut dire techniquement des crédits de TVA. Lorsque tel est le cas alors, la TVA se présente comme un couteau à double tranchant. L'administration fiscale ne se présentera pas et dire qu'il a collecté autant sans avoir surveillé ou alors dire quelque chose sur les crédits de TVA. C'est pourquoi dans la plupart des pays qui connaissent ce mode d'imposition, il y a des unités spécialisées ou des brigades carrément, des brigades TVA. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Plus de 1000 candidats sont attendus ce vendredi en province Kayanza à la passation d'un test d'admission à l'école d'excellence. Le directeur provincial de l'éducation fait savoir que le taux des jeunes filles dépasse celui des garçons, c'est-à-dire 53% contre 47%. Désiré Hatungimana encourage les jeunes filles à se prendre davantage d'engouement pour l'école. Patrick Senghiumfre. Dans son concours d'admission à l'école d'excellence qui s'effectuera demain en province Kayanza, on attend 1107 candidats dont 585 jeunes filles et 522 jeunes garçons dont 53% des filles contre 47% des garçons. Les données qui sont fournies par la direction provinciale de l'éducation à Kayanza, Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, fait savoir que les centres de passation de ce concours sont au nombre de 9 et correspondent d'ailleurs au nombre de communes scolaires de la province Kayanza. Cette autorité provinciale à Kayanza indique également que les préparatifs à ce concours vont bon trait et arrivent d'ailleurs à une étape satisfaisante, expliquant que tout le mois de juillet, les candidats étaient en train de réviser avec leurs enseignants des épreuves de mathématiques et français qui font objet de ce concours. D'après Désiré Atungimana, ceux qui auront une bonne note plus que les autres seront admis à l'école d'excellence de Moussegna en commune Tangara de la province Ngozi. Contacter certains parents d'élèves et étudiants à l'école d'excellence de Moussegna sur l'importance de cette école, ils nous ont fait savoir que outre l'enseignement de qualité donnée à leurs enfants, même pendant les vacances, ces mêmes enfants se montrent dynamiques dans les activités de la maison. Vous saurez que le système des écoles d'excellence a été mis en place par le décret présidentiel du 7 février 2017. Et ces écoles d'excellence sont au nombre de 5 dans tout le pays, dont Gagara à mairie de Bujumbura, Musinzira à Gitega Rusengo à Ruigi, Makamba et Musenya en province Ngozi. Depuis Kayanza, Patrick Senghiumfre pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Sengiyumva. Les médecins et infirmiers de l'hôpital Kirundo demandent la libération de leurs collègues incarcérés depuis 6 jours, selon eux, victimes d'un accident de service. Cela ressort d'une rencontre du personnel de santé de l'hôpital de Kirundo avec le gouverneur ce mercredi. Ces médecins disent que leur collègue a reçu une femme à la maternité pour un accouchement ce samedi et que l'enfant est né avec le cordon enroulé 3 fois sur son cou, entraînant la mort de cet enfant. La garde malade de cette femme, contactée par la radio Isanganiro, indique le contraire. Pour elle, l'enfant est mort suite à la négligence de l'infirmière. La mère de l'enfant demande d'être indemnisée et la prise en charge de l'enterrement de l'enfant. Le gouverneur demande quant à lui au personnel de cet hôpital d'attendre car le dossier est entre les mains de la justice. Agnès Naumagatz. Cette femme qui a accouché à l'hôpital de Kirundo il y a 6 jours bénéficie des soins par les médecins de cet hôpital et son état de santé s'améliore, comme l'indique son garde malade. Mais malgré cela, l'enfant né par cette femme est mort suite à la négligence de l'infirmière qui l'a reçue à la maternité de Kirundo, comme l'indique cette garde malade. Les médecins infirmières de l'hôpital de Kirundo trouvent que la mort de cet enfant est liée à l'accident de travail et demandent la libération de cette infirmière car elle est innocente. La garde malade indique que la mort de cet enfant est due à la négligence et au manque de soins suffisants attribués à cette femme lors de son accouchement et que son enfant est tombé par terre, d'où la mort de cet enfant. Ce que les médecins de l'hôpital nient et disent que cet enfant est né le cordon enroulé 3 fois sur son cou, ce qui a occasionné sa mort. Ces médecins demandent la libération de leur collègue. Le gouverneur de la province Kirundo, dans une réunion qu'il a tenue avec le personnel de l'hôpital Kirundo, les tranquillise et les demande d'attendre parce que ce dossier est dans le milieu de la justice et que les investigations sont en cours. Il interpelle la population de la province Kirundo d'éviter de se faire justice et de se confier au service de l'ordre chaque fois qu'ils ont des problèmes. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Il s'observe de l'insalubrité en mairie de Bujumbura, comme l'indiquent certains habitants qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro ce jeudi. Certains jettent les immondices n'importe où alors qu'il y a des poubelles publiques. Ils disent que cela peut nuire à la santé publique. Clovis Nyonguru. Dans certains endroits que nous avons visités, notamment au quartier Mutanga Sid et celui de Nyakabiga, les immondices se sont dispersés alors qu'à 10 mètres, les poubelles publiques sont disponibles. Même au quartier Djabé, la situation est similaire où les immondices constitués de bouteilles en plastique sont dispersés dans les caniveaux. Les citadins qui se sont exprimés trouvent que cela peut nuire à la santé publique. Les effets néfastes à la santé ne manquent pas car ces immondices jetés dans les caniveaux bloquent par exemple l'écoulement de l'eau et cela peut nuire à la santé publique à long terme. Il faut que les gens utilisent ces poubelles publiques. Il faudrait que les citadins soient habitués à déposer les immondices dans les poubelles publiques pour éviter des maladies comme le choléra et d'autres. Selon ces habitants de la mairie de Bujumbura, il faut sanctionner toutes les personnes qui jettent des immondices dans les voies publiques. Plus spécialement, les consommateurs de la canne à sucre ou d'oji comme Fangas, Aquavi, Tangawiz et d'autres doivent songer à déposer les restes et ces emballages dans les poubelles publiques. Quant à moi, il faudrait sanctionner toutes les personnes qui jettent les immondices dans les voies publiques. Les responsables de la mairie devraient suivre cette question et même emprisonner toutes personnes qui ne les déposent pas dans les poubelles publiques pour avoir une ville propre. Même si la situation est ainsi, les citadins demandent que les autorités habilitées passent le plus rapidement possible à la décharge des poubelles déjà remplies. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouayo pour sa parfaite collaboration. Odin Daichimiye était à la présentation. Bonne suite des programmes avec la radio Isanganiro.